L'Association pour l'amitié Inde-Corée de toute l'Inde a lancé le 7 une déclaration contre l'enlèvement collectif de nos citoyennes par les autorités sud-coréennes. Elle revendique pour que le haut commissaire des droits de l'homme des Nations Unies et le président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies prennent des mesures de sorte que les autorités sud-coréennes renvoient tout de suite les citoyennes de la République populaire démocratique de Corée enlevées en plein jour à Ningbo de la province de Daejeon de Chine au début d'avril dernier pour les emmener en Corée du Sud.